C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Et cette semaine, je suis fier de parler de ce disque-là. Je suis fier aussi de dire que j'étais un des premiers à lui donner une chance. Et je ne me suis pas trompé, mais pas du tout. Je parle bien entendu de M. Mehdi Kayenn, et oui, qui vient de lancer Radio Batata, un très bon album. Mehdi Kayenn, un artiste original, s'il en est un, nous propose un quatrième opus, Radio Batata, un album particulier et très captivant. Il nous invite dans un monde de rythme, guitare, synthé, très bien orchestré. De Fulton à Croque-Pomme, Mehdi Kayenn nous offre le fruit d'une plume qui nous interpelle sur le vrai, le faux, le désir, l'envie, l'essentiel versus le superflu. Avec une prosodie qui lui est propre, il réussit à nous faire ressentir une urgence ou un besoin tout en peignant des images extrêmement puissantes. Donc vraiment un très bon album, Radio Batata. Je vous donne bien sûr une adresse medicayenclub.com, aussi disponible, j'en suis certain, sur apcm.ca. Allez mettre la main là-dessus, c'est vraiment un excellent produit. Et on va commencer, si vous voulez bien, par un premier extrait qui tourne énormément sur les radios en ce moment, qui est vraiment très accrocheur. Et c'est un verre d'oreille, du moment qu'on l'entend, on l'a pour la journée. Donc, désolé, mais c'est une très bonne chanson. Voici, tiré de son album Radio Batata, M. Mehdi Kayenn avec la chanson « Molly ». Donc, tassez la table, dansez, amusez-vous bien. Voici un artiste original que j'adore et j'aime bien, M. Mehdi Kayenn, à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Jamais l'air comme si tu t'ennuies. Ton téléphone éclaire ce que tu enfouis. À ton affaire en high def, tu t'enfuis. Smoke screen, jolie, holy. J'ai des billets verts et j'attends ta mise en pli. Glow stick dans tes artères jusqu'à minuit. Tu danses en enfer, mon petit biscuit. Endormi, pretty. Sous la tête de ma mère, insoumis, j'en suis fier. La folie est le père, la police légifère. J'ai renfer, laissez faire, pas de charme, chant le larme. On se croirait dans un opéra, pédale pas le mal. Break syndical, regarde la caméra, j'écoute pas quand tu parles. Marley, c'est que j'ai lu Gandhi. La non-violence est au centre de ma vie. J'en fais jamais autant que ce que j'en dis. Et j'en ris. Sorry, Gandhi. Sans conséquence, c'est ce qu'on m'a appris. Je suis un intouchable façon dandy. À fleur de peau, les nerfs dans un grand bruit. Faut que la mort vive, galerie. VIP Cadillac. Boys club, body snatch, one pack cigarette, Papa's any Percocet, good golly, Miss Molly, saw you and I kinda happy. Sorry, not sorry, the sauce got hurry. Guilty got shot on the spot in the lobby. Molly, sex animal. Donne-moi ton argent sale. Dis-moi parce que t'en penses. Je suis gentleman. We'll be right back. Radio Batata, c'est aussi l'art des nuances musicales. Midi Cayenne s'amuse à nous offrir un funk aux multiples couleurs en passant avec dextérité du punk au dance, du soul au pop, du rock au quasi-metal. Les succès de ce disque sont entre autres la chanson qu'on vient d'entendre, Marley, avec son beat enivrant et son riff de guitare très accrocheur. Dieu est à temps partiel depuis qu'on l'a remplacé par une machine qui, malgré son long titre, s'avère être un petit groove fort intéressant. Il y a Sasville aussi, un bon dance pop fort puissant et irrésistible. Et finalement, Bibo, qui offre à peu près les mêmes attributs que Sasville. C'est vraiment très, très, très bien produit. Je vous invite à aller faire un tour au medicayenneclub.com. On y va avec une pièce, long titre, je vais essayer de ne pas m'enfarger. Dieu est à temps partiel depuis qu'on l'a remplacé par une machine. Très bonne chanson de Midi Cayenne. Dieu est à temps partiel depuis qu'on l'a remplacé par une machine. Oh! Les lumières dans le ciel sont devenues des bombes et des feux d'artifice. On a jeté le Graal dans un dépotoir quelque part en Afrique. On a stoppé le prophète aux douanes, il avait pas ses papiers de gringo. Na na na na na na na na na na. Pour ceux qui recherchent un son original, pour ceux qui aiment une recherche musicale aux multiples structures, Radio Batata est une bonne solution. Midi Cayenne a vraiment exploité la profondeur de son talent afin d'y découvrir une palette de sonorités des plus captivantes. Des guitares parfois lourdes, parfois planantes, mais très souvent justes. Des synthés et des percussions bien fignolées supportent des textes puissants qui nous interpellent. Radio Batata de Midi Cayenne est un univers à découvrir. Je vous invite à aller faire un tour sur medicayenneclub.com. medicayenneclub.com. medicayenneclub.com. Allez découvrir ça, allez mettre la main là-dessus, c'est vraiment intéressant. On se quitte avec Sasseville, une très bonne toune de danse. Voici Midi Cayenne. Je vais danser jusqu'à ce que mon sang suive, pour plus penser et que quelqu'un me suive. À moi, y'a plus de mots qui me décrivent. À moi, j'ai mis mon ego à la lessive. Je vais danser jusqu'à une autre rive. Mon mal à l'âme, il faut que je l'enivre. À moi, j'ai des défauts et tu t'en prives. À moi, j'ai besoin de mes hommes aussi. J'avais. Longtemps que j'ai vu l'avenir, mais toi. c'est mon cœur qui te le dit. Je caresse les nuages. C'est ton amour qui me conduit. Ton sourire, ta chaleur. Tu es l'essence qui me a débuté le bloc de l'Est Québec-Ontario avec une chanson souvenir. Si vous dites, ah, c'est quoi ça? J'ai déjà entendu ça. Ça, c'est tout simplement Pour la vie de Swing, tiré du premier album, La chanson sacrée, qui a été lancé il y a 20 ans à peu près. Et oui, beau souvenir du groupe Swing. À l'époque, le violoniste était M. Bobby Lalonde avec Michel Bénac. Et DJ Scratch ou quelque chose du style, mais c'est le premier album, c'est tiré du premier album de Swing qui fait sa tournée d'adieu ces temps-ci, après 20 ans de carrière. Ils ont tourné pas mal partout, un peu en Europe, au Québec, en Acadie, en Ontario, dans l'Ouest. Et ça va très bien avec leur chanson « On perd la tête ». Donc, ils ont été premiers au Québec depuis longtemps. Je pense que c'est depuis février. Ça allait très, très bien sur les palmarès au Québec. Bref, ils terminent ça de façon magistrale. Et on va se rappeler, on a lancé tout récemment un deuxième EP, 45 tours, volume 2, sur lequel on retrouve la chanson « Thirsty ». Et vous allez voir un autre belle tune de Swing. Donc, je suis bien content de faire tourner ça avec grand plaisir. Et encore une autre fois, s'ils sont à l'écoute, les gars, bravo pour tout ce que vous avez fait. Et merci de nous avoir fait danser tout au long de ces années-là. Donc, on va entendre « Thirsty » de Swing dans quelques instants. Après, ça va être tout simplement une chanson qui s'appelle « OK ». C'est de D-Track qui a lancé vendredi un nouvel album qui s'appelle tout simplement « Dieu est un Yankee ». Et ça va très bien pour D-Track, de nouvelles chansons, très intéressant. J'ai hâte de recevoir l'album et de vous en jaser comme ça et de vous en faire entendre, bien sûr. Et on va terminer ça avec Wise Antangana, ça va aller. Lui qui se promène ces temps-ci dans les écoles et les centres communautaires de la région de la capitale nationale. Chin, chin, passe la lime, j'ai quoi qui brûle dans la poitrine. Chin, chin, bring it in, c'est le fond du verre qui me fait signe. Spin, spin, jack and gin, j'flash ma Rolex qui vient de la Chine. Spin, spin, dans limousine, I'll make it rain même si ça me ruine. C'est pas comme moi de faire ça, mais c'est Friday. Ce soir on danse et on danse, suis-moi baby. On fait la fête et la fête, ain't me late.

faut toujours oser. Ça va aller, visionner, planifier, persévérer. À force de croire en toi, ça va aller. À force de t'organiser, ça va aller. À force de bien penser, ça va aller. Visionner, planifier, persévérer. Yeah. Qui veut prendre son destin en main? Apprends à planifier son quotidien. À force de s'appliquer, le mystère finit par se dévoiler. Développer le pouvoir de l'imagination t'aidera à développer une claire vision. Si on vit faisant le tour de ma contrée, voilà en boudin que je tamponne le nez. Plongé dans le désespoir, face à l'homme au miroir. Noyé dans ses idées, emporté par le vent de la curiosité. Il s'est mis à se motiver, croyant qu'il est en train de me motiver. Mais disons que la patience a des limites, l'abondance ne nuit pas si tu médites. Tout ira si tu te fixes des objectifs. On se prépare pour ne pas hésiter devant l'opportunité. Tu veux aller loin, ménage sa monture au fur et à mesure. Mollo, mollo, mais attention, n'oublie pas cette précision. Les bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre, mais les meilleures sont réservées à qui vont les chercher au lieu de les attendre. Ça va aller, un peu de persévérance. Oh oui, mon ami, ça va aller, un peu de travail. Oh oui, ça va aller, crois, crois en toi. Ça va, à force de croire, ça va aller. À force de t'imaginer, ça va aller. À force de s'organiser, ça va aller. Visionner, planifier, persévérer. À force de croire en toi, ça va aller. Ça va aller, à force de toujours oser, ça va aller, visionner, je lui dis mon ami, n'oublie pas aussi cette leçon de vie. La sagesse demande d'écouter avant la réplique. Fondée sur mes valeurs et mes principes. Ça c'est pour ta clique, man. Moi je crois aux actions bien pensées, aux valeurs qui me parlent en vérité, au bonheur qui s'obtient à force d'aimer, à la capacité d'organiser ses idées, à la capacité de rapper pour éviter, à la capacité de mettre tout le monde d'accord. Le faible s'aligne devant le plus fort, car le plus fort ne s'intéresse qu'à la victoire. Il s'encarte des croyances qui miroient dans ta mémoire. Bousculé en vérité, sacrifié garçon pour rayonner comme un champion. Car si tu veux te démarquer, se sacrifier c'est le prix à payer. C'est se lancer, se préparer, se surpasser, faire de ça ta priorité. Entraîner sa capacité de s'auto-discipliner. En vérité tu es la clé, innover, originalité. Oser créer l'opportunité d'emblée, tu vas briller. À force de croire en toi, ça va aller. À force de t'organiser, ça va aller. À force de toujours oser, ça va aller. Visionner, planifier, persévérer. À force de ça va aller. À force de bien penser, ça va aller. À force de t'imaginer, ça va aller.